bienvenue au pays des feignants et des fauchetons. France, pays naissance mais d'adoption. Les bâtons dans nos pneus sont trop nombreux pour que je croie l'intégration. Comme tout criminel, elle cherche un adversaire faible et fiche de son chemin en direction de l'Afrique. Boulet au pied, coup de fouet, déporté pour le forcer. Boire, y'a une manière d'agir pour le pays des droits de l'homme. Pire qu'un génocide, c'est prendre des êtres humains pour du bétail. Les femmes sont recrutées pour la qualité de leur sein, leur fermeté et pour leur taille. Voici l'histoire du véritable emblème national. La lisse, fleur au passé trou qui collabore. À faire rouge sur un corps noir, ils veulent nous cacher l'histoire. Un grand temps, en temps de guerre, le général de Gaulle via le territoire, Maurice Papon, flot à grand traite. Parmi tant d'autres, Napoléon à fond dans la traite des noirs. La France est une garce de la fleur de lys. Au vie sacrifiée en Algérie, la France est une passe. Elle nous a bluffé comme un joueur poker. Elle nous a formaté tête des fils de colons. Elle se vante dans les livres d'histoire de ses héros et entériné son passé sanglant. Éducation nationale, années 90, la France t'a appris ce qu'elle a bien voulu te dire. Trois lettres, liberté, égalité, fraternité. Excuse-moi Marianne si je n'en crois pas un mot. Colonie, charnier, viol, meurtre en Algérie, mère meurtrie, la France est une pute. Elle vend son cul à l'Amérique, elle vend son cul pour une poignée de fric. Elle a une histoire mais peu de respect. DPS là là pour remuer ta merde, là là pour emmerder ta mère patrie. Les Arabes faites des gosses et les Noirs faites des gosses à leur blanche, hein. On verra bien plus tard qui prendra leur place. Marianne n'a mis que des fils d'immigrés dans ses placards. C'est plus une étiquette qu'on nous colle, c'est une pancarte. Fils de fasciste, dites-moi bien que je me fous d'être détesté. Je suis né ici et je vais y rester. Pour l'Algérie, occupée pendant près d'un siècle et demi, je suis là pour provoquer, je n'ai pas assez d'ennemis. TPS lève le majeur au collaborateur. Ignorant, tu les carras dans un laboratoire. Tu veux corrompre l'homme, va voir le nécessiteux. Grimpe-le avec toi et tu n'as plus qu'à le laisser chuter. La France est une garce au passé sanglant. Si elle est de bonne foi, sache qu'elle fait semblant. Faire ANCE, t'as fait couler le sang. Pour faire valoir ta FORCE depuis des décennies, des centenaires. C'est des milliers d'âmes de vie, des dossiers qu'on enterre. Sans terre, tous les exploits militaires sans commentaire. Derrière ton passé autoritaire se cache un goût plus qu'amer. Un berceau collet, une mère française, je sais de quoi je parle. Mes blessures au cœur sont ancestrales, même piédestal, foutaise. Je fais des stars chez les films, à l'instar se fout des signes. Car dans les sucres, c'est la suite logique d'une colonisation, d'une immigration choisie à un banc de bouffons. Quand la France touche le fond, en Afghanistan, où te souviens-tu de Diebel Fou? Quand des mirages en kit à Israël qui tient sa guerre en 6 jours. Et tu voudrais que je me lève quand la Marseillaise on joue, hein? Tu rigoles ou quoi? Faire un NCE.